pourrait finir plus tard que prévu si les entreprises ne parvenaient pas à rattraper le retard engendré par l'absence de roches. On reste sur ce chantier de la nouvelle route du littoral, côté viaduc cette fois, avec cette première grande sortie de Zourite prévue ce mercredi. La barge spécialement construite pour poser les 48 piles qui doivent composer le viaduc de la future route du littoral doit prendre la mer dans la journée pour faire ses premiers tests grandeur nature. Explication avec Daniel D'Ambreville. Depuis son arrivée le 17 mai dernier, la barge élévatrice aux 8 jambes faisait des ronds dans la rade du port, des ronds qui ont servi à tester le navire. Conçu pour transporter les piles de plusieurs milliers de tonnes, il est aussi capable de fabriquer du ciment pour coller les tronçons entre eux. Alors, avant la grande sortie en mer, l'équipage a procédé à des essais. Pour Dominique Fournel, élu à la région en charge du chantier de la nouvelle route du littoral, le protocole est bien respecté, le calendrier aussi. La première sortie de Zourite était prévue fin août. Eh bien, nous y sommes. Samedi, elle déposera la première pile, la première des 48 du viaduc à raison de 2 par mois. Il faut évidemment tenir compte des aléas climatiques comme une forte houle qui pourrait bousculer les rotations de la barge. Mais Dominique Fournel est très optimiste sur la suite du chantier comme il reste confiant sur le stockage des piles. Durant toutes ces semaines, la fabrication des piles a continué et elle s'accumule sur le port. Il faut donc que Zourite trouve rapidement son rythme de croisière au risque de voir les piles tomber à l'eau. Daniel D'Ambreville, sur la route toujours, direction Sillaos, où la circulation est perturbée depuis le début de la semaine. Des travaux de purge sont toujours en cours au niveau de l'îlet Alcide. C'est la conséquence de la chute d'un gros bloc qui a fini sa course et s'est enfoncé sur la route d'environ 50 cm dans le bitume. La circulation se fait donc par alternat. La route est même fermée la nuit. Un autre bloc a atterri dans la rivière et ça, c'est du jamais vu à cet endroit de la route de Sillaos. Sophie Persson. Le bruit des blocs rocheux qui tombent de la montagne est impressionnant car il y a beaucoup de résonance à l'îlet Alcide. 80 mètres cubes à purger, ça représente 4 bons camions de déménagement en volume. Les cordistes utilisent entre autres des coussins d'air pour pousser les roches. En voyant les dégâts en bas, on se dit heureusement l'éboulis s'est produit de nuit, à un moment où il y avait peu de circulation, à un moment aussi où il n'y avait personne à pique-niquer. En effet, à côté de la route, juste à côté d'un barbecue, on trouve des pierres affûtées et des gros galets ici et là, jusqu'à un énorme bloc tombé dans la rivière. À cet endroit de la route, la falaise est assez éloignée et ce n'était pas jusqu'à présent jugé dangereux. Les travaux de purge devraient se terminer avant le week-end. Quant à une véritable sécurisation de la route de Sillaos, là, c'est une autre histoire. Les précisions sur la route de Sillaos étaient signées Sophie Persson. Midi 6 sur Rayon Première, la suite du journal, Antoine Garnier. À Madagascar, l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes Français sur l'île de Sainte-Marie se poursuit. Toujours aucune piste quant au mobile, mais 3 personnes supplémentaires ont été arrêtées depuis dimanche. Parmi les 7 personnes interpellées se trouve un ressortissant français qui serait l'ex-petite amie de la jeune victime française. Les 2 victimes travaillaient comme bénévoles pour une association malgache de protection de l'environnement et des mammifères marins. Plus de peur que de mal, ce matin, dans un immeuble de la SIDR des 400 au Tampon, peu après 9h, un incendie s'est déclaré dans la cage d'escalier du bâtiment qui est situé rue Louis Blanc. Les sapeurs-pompiers du Tampon ont rapidement éteint le feu, parti dans un tas de vieux meubles. Incommodés par la fumée, 7 personnes ont été évacuées. Les précisions du lieutenant Gilles Potin des sapeurs-pompiers du Tampon. Il est interrogé par Pierre Komorasamy. Nous sommes intervenus ce matin sur un incendie d'un immeuble d'habitation. Le feu a démarré dans la cage d'escalier et les fumées sont montées rapidement vers les étages supérieurs. On a dû évacuer le bâtiment. 6 appartements exactement ont été évacués. 7 personnes concernées par cette évacuation. Nous avons rapidement maîtrisé le feu qui se trouvait en cage d'escalier. Alors, des personnes ont été incommodées par la fumée. Pour l'instant, notre service de santé est sur place, fait un premier bilan. Le SMUR va être dépêché sur place. Et s'il va falloir faire des transferts vers le CHU de Saint-Pierre, on fera les transferts. Dans le sud, toujours, c'est une petite révolution du quotidien qui est imposée aux habitants de Saint-Pierre, Saint-Louis, Sillaos, l'étang Salé, les Avirons et Petite-Île. Comme le TCO l'a fait dans l'ouest il y a quelques mois, la Civis a décidé de diviser par 2 la fréquence du ramassage des ordures. Cela veut dire que le contenu des poubelles vertes ne sera plus collecté qu'une fois par semaine. En ce qui concerne les poubelles jaunes, les déchets verts et les encombrants, les camions passeront désormais tous les 15 jours au lieu d'une fois par semaine. Une nouvelle organisation très loin de satisfaire les habitants des communes de la Civis. Reportage Pierre Komorasami. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Moi. Assis à la table d'un snack bar, Léla ne veut surtout pas entendre parler d'une baisse de fréquence des collectes des ordures ménagères. Le Saint-Louisien s'empote presque. Il n'y aura plus d'ordures sur la route. Il va déborder, la poubelle sera trop pleine. S'il y a moins de ramassage, il n'y aura plus la pourriture, plus la saleté dans la rue, de la poubelle. Mais pas bon. Il y aura trop de verre, trop de bêtes dedans. Françoise, commerçante à Pierrefonds, partage l'avis de Lélin. Selon cette femme, deux passages par semaine pour le bac vert n'est pas de trop. Si les autres ramassent une fois par semaine, mais à un certain moment, quand le monde dit qu'on a trop de saleté chez eux, ils jettent dans une semaine, ils mettent sur la route. Et voilà, c'est ce qui s'est arrivé. Voilà, les rats, les moustiques et tout et tout. À la Civis, on motive cette modification par une augmentation des coûts liés à la collecte. Et pour maintenir le même rythme, il aurait fallu aussi augmenter les prix de 40 à 60% selon Daniel Lyonnais, élu délégué à l'environnement. Ça aurait fait une augmentation de 35 à 40 euros par habitant et par an. Il y a donc la maîtrise des coûts, mais un autre paramètre a aussi dicté le choix de la Civis. Cédric Ropol, responsable de la gestion des déchets. Aujourd'hui, l'étude nous a montré que effectivement, la moitié des bacs présentés à la collecte n'étaient pas forcément remplis. Le bac était rempli à moitié. Une campagne d'information et de sensibilisation accompagnera ces changements. Et Daniel Lyonnais l'assure, tout rentrera rapidement dans l'ordre. C'est vrai qu'il y a une contrainte au départ, mais c'est un nouveau rythme à suivre et un exemple à prendre. Reportage Pierre Komorasami. C'est une des nouveautés de la rentrée sur Réunion Première Radio. Le mercredi soir, la rédaction vous emmène dans les coulisses de la vie pays avec un reportage de 40 minutes. Ce soir, pour le numéro 2, après le journal de 18h, notre magazine vous fera vivre de l'intérieur la campagne sucrière. Pour l'occasion, Philippe Dornier est allé dans les champs, dans les usines. Il est également monté à bord d'un cachalot au volant. Jean-Maxime Argente, qui charge d'abord son semi-remorque sur la plateforme de Beaufond. Voici la suite. Nous voilà maintenant sur la 4 voies, destination Saint-André et l'usine sucrière de Bois-Rouge. Vitesse de croisière, 80 km/h. Ben, sur la 4 voies, il n'y a pas de difficulté. Mais sur les petites routes, des fois, sur le rond-point, ben, des fois, on est obligé de forcer un petit peu le passage parce que les voitures, ils arrivent et ils ne nous laissent pas passer. Et nous, quand c'est le moment de passer, on passe sans gêner personne, mais comme c'est lent à démarrer avec le poids et tout, ben là, il se met à klaxonner. Ouais, pour eux, ils ont la priorité. Mais oh, on était déjà sur la route. Si on fait un cas avec tout ça, ben on va tomber malade. Donc, je prends ça à la rigolade. Dis, allez, vas-y, passe. Et puis, un jour sera à mon tour. Un extrait de Dans les coulisses de la campagne sucrière avec Philippe Dornier. Un reportage à découvrir en intégralité ce soir dès 18h15, juste après le journal de 18h sur Réunion Première. Je vous rappelle que c'est dans l'actu, juste après ce journal, sera consacré à la rentrée étudiante. Vos questions et vos réactions tout de suite par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 0692 70 2000, mais également sur les réseaux sociaux avec le hashtag pour Twitter, CDL la première, et sur la page Facebook de l'émission. C'est dans l'actu, c'est bientôt la fin de cette édition. Je vous rappelle que la plage des Roches Noires, sur la plage des Roches Noires, les activités nautiques et la baignade sont interdites depuis ce matin et jusqu'à ce week-end en cause de la forte houle et les filets anti-requins qui ont dû être démontés. Tout de suite, avancer dans l'actu, on fait un point sur l'actualité nationale et internationale vue de Paris avec France Info. Une dizaine de morts, nouveau bilan toujours provisoire après le séisme qui a frappé le centre de l'Italie cette nuit. Beaucoup de bâtiments détruits en Ombrie, dans l'Latium, au nord-est de Rome. Les secours craignent que plusieurs personnes ne soient encore coincées sous les décombres et des répliques risquent de faire encore des dégâts. À la une également, l'affaire de la Dépakine, médicament contre l'épilepsie soupçonné de provoquer des malformations chez les fœtus. L'association d'aide aux parents d'enfants nés sous Dépakine estime que 30 000 enfants en ont subi les conséquences depuis la fin des années 60. Le ministère de la Santé dévoile aujourd'hui les résultats d'une étude sur l'impact du médicament. Et puis rester à l'ombre et au frais autant que possible, c'est la canicule en Ile-de-France, dans l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et l'Yonne. 14 départements en vigilance orange, au moins jusqu'à demain. 12h12 sur Réunion Première. Philippe Dornier et Ingrid nous ont rejoints dans le studio. Philippe et Ingrid, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour Antoine. Au menu du 12-13 aujourd'hui, la rentrée universitaire. C'est dans l'actu, s'intéresse notamment aux problèmes de logement et aux bourses versées aux étudiants, Philippe. Et pour beaucoup de jeunes, Antoine, la situation est loin d'être idéale. À quelle porte frapper pour obtenir des aides? Réponse dans le débat d'ici deux minutes. Vous pouvez composer dès maintenant le 02 62 99 2000. Un coup d'œil vers le ciel. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Cet après-midi, la couverture nuageuse est bien présente dans l'intérieur et ces nuages seront accompagnés d'averses sur une bonne partie des hauteurs de l'île. Les plus hauts sommets sont eux aussi sous les nuages alors que les zones littorales bénéficieront de larges éclaircies. Les températures maximales vont de 15 degrés au volcan, 21 à Sillaos et elles sont comprises entre 24 et 26 sur le littoral. Le vent de secteur est faible à modéré dans le nord et dans l'est. Ailleurs, les brises dominent. La mer est peu agitée, à agiter au vent. Et la houle de sud-sud-ouest s'amortit pour atteindre 1,50 m le long des côtes ouest et sud. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Allô? Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Première. Midi 15 sur Réunion Première, les galères des étudiants pour la rentrée, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Ils étaient en sommeil depuis deux mois. Les campus du Tampon et du Moufia reprennent vie cette semaine. Les étudiants en AES ont été les premiers à remplir les amphis lundi. Une reprise compliquée pour certains jeunes. Il y a ceux qui n'arrivent pas à boucler leur budget parce que les parents ne peuvent pas forcément suivre la cadence. Et puis ceux qui n'ont pas de logement, une denrée rare et chère, des soucis récurrents. On les évoque à chaque rentrée universitaire. À croire que les aides accordées aux familles qui en ont le plus besoin ne suffisent pas, ça c'est aux 18 000 boursiers de le dire. Combien coûte une année sur les bancs de la fac? Y a-t-il assez de résidences étudiantes à La Réunion vers qui se tourner pour obtenir de l'aide? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Je vous rappelle les différents moyens de participer à cette émission. Il y a les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu, le hashtag CDLaPremière pour Twitter. Et puis vous avez également le bon vieux numéro de téléphone, le 02 62 99 2000. Et le nouveau numéro de téléphone, en revanche, le 06 92 70 2000, si vous préférez participer par texto. Interposé. Avec nous ce midi, deux invités, Lucie Annette Nativelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service vie étudiante au CROUS, le Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires, qui gère les bourses et les logements. Et puis Elno Herriet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNEF Réunion, syndicat étudiant, l'Union Nationale des étudiants de France, pour être précis. Globalement, Elno Herriet, comment se présente cette rentrée de votre point de vue? Déjà, elle se déroule dans un contexte particulier puisque c'est la dernière rentrée du mandat Hollande 2012-2017 et aussi, et je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus, puisqu'on est dans un contexte particulier à l'université puisque les élections présidentielles, le premier tour n'a rien donné et donc jusqu'au 8 septembre nous sommes sous administration provisoire. Je tenais à faire passer un message, c'était que l'UNEF, qui a donc des sièges dans ce conseil d'administration, va en tout cas prendre ses responsabilités pour sortir l'université de ce blocage, parce que l'administration provisoire ne peut pas être une solution sur la durée si on veut développer cette université. Alors, je vais pas refermer cette parenthèse, je vais rentrer dans la parenthèse, puisque prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi ? Il y a Frédéric Méranville, Gilles Lajoie, Jean-Pierre Chabrier. Chabria. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités ? Est-ce que vous avez fait votre choix ? Ça veut dire que ça, de toute façon, le temps de le dire viendra plus tard. Les votes, en tout cas, il y a deux blocs qui sont face à face. Il y a un candidat qui est là aussi et qui représente des voix. Et en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est la volonté aussi dite par les trois candidats, c'est qu'il y ait un maximum d'union entre toutes les listes. Et donc, notre objectif sera qu'il y ait une majorité claire qui se dégage au 8 septembre pour qu'un président soit élu et qu'il n'y ait plus d'administration provisoire, que finalement, la machine puisse se lancer totalement cette année. Et pourquoi l'UNEF ne souhaite pas clarifier, dire clairement sa position ? Ce serait plus simple pour tout le monde. S'il y a des votes à bulletin secret, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que tout simplement, nous avons aussi des problématiques étudiantes dont il faut bien discuter. Voter pour un candidat, c'est voter pour une politique sur les 4 prochaines années. Et donc, nous, on attend aussi, bien entendu, plus de clarifications à ce niveau-là. Alors, je vais vous poser la même question, Lucie Annette Nativelle. La rentrée, elle se présente comment du côté du CROUS ? Une rentrée pas comme les autres, puisque pour la première année, on a mis en place un paiement anticipé des bourses, donc le paiement du mois de septembre qui a lieu au mois d'août. Après, c'est la rentrée des étudiants, mais les services du CROUS ont repris depuis le début du mois d'août, tout comme l'université. Donc ça fait déjà quelques semaines que nous sommes à pied d'œuvre pour que la rentrée se passe du mieux possible pour les étudiants. Alors là, c'est l'aboutissement d'une vieille revendication. C'est un peu sur le principe de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire qui était versée il y a quelques années. En même temps en métropole et à La Réunion, et évidemment ça coïncidait pas avec la rentrée ici. Qu'est-ce que ça change pour les étudiants concrètement ? Eh ben, ça leur permet au moins d'avoir leur premier mois de bourse en même temps que la rentrée universitaire à La Réunion, qui est à la mi-août au lieu de patienter jusqu'à septembre. Alors ça, c'est une avancée que vous saluez, El Noérien ? Bien sûr, c'est une avancée qu'on désirait depuis longtemps. Bien entendu, elle est aussi à relativiser, mais à coupler aussi avec d'autres bonnes nouvelles sur cette rentrée, c'est le gel des frais obligatoires à l'université. C'est-à-dire que ce soit les frais d'inscription, les frais de sécurité sociale, le ticket au restaurant universitaire, rien n'augmente cette année. C'est la première fois du quinquennat et depuis de nombreuses années que ça arrive. Donc ça, on peut s'en réjouir. Maintenant, encore une fois... je le disais, François Hollande disait au début de son mandat qu'il aimerait qu'à la fin de son mandat, les jeunes vivent mieux qu'en 2012. Concrètement, on ne peut pas dire que les jeunes et les étudiants en particulier aient forcément une meilleure entrée là en 2016 qu'en 2012. Mais quelle évolution vous voyez justement ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Donc encore une fois, il faut quand même souligner ce qui a pu être fait de bien. Donc il y a eu deux étapes de bourse en 2013 et en 2014 dans une réforme qui voulait augmenter le nombre de boursiers, augmenter le montant des bourses. Et donc ça, il faut le saluer, ça a permis quand même à pas mal d'étudiants d'avoir une bouffée d'air frais. Pour les étudiants non boursiers, donc il y a eu le gel des frais obligatoires. Cette année, il y avait déjà eu un gel l'année dernière des frais d'inscription seulement, et ça a été quand même une petite avancée. Maintenant, enfin, pour vous sortir certains chiffres qu'on a eu sur une enquête de cette année, on a vu par exemple que l'INSEE avait annoncé au mois de juillet une hausse de 1% sur l'indice à la consommation. Donc ça aussi, ça se répercute bien entendu sur la consommation des étudiants. Les loyers dans le privé, qui eux continuent à augmenter, alors doucement, mais qui augmentent quand même et qui sont à prévoir dans le budget d'un étudiant. Doucement, ça veut dire quoi ? Doucement, c'est entre 4 et 7 euros sur des studios, une pièce qui sont souvent pris par les étudiants. 4 à 7 euros par mois, évidemment. Par mois, bien sûr. Donc sur la rentrée, sur le premier mois, par exemple. Et enfin, toujours une situation délicate sur le logement étudiant en particulier, le logement étudiant où on a 500, il y avait un plan 40 000 logements annoncé par François Hollande au début de son mandat, 500 logements devaient être construits sur l'Académie de la Réunion. Aujourd'hui, on est très inquiet sur la date de sortie de ces logements. Il faut savoir que on nous avait annoncé 2018 au départ. Aujourd'hui, on ne sait pas si on les aura, les travaux ne sont toujours pas en commencement. Nous sommes une académie à plus de 18 000 étudiants. Il y a à peine 1000 chambres étudiantes sur l'académie. On voit très bien que lorsqu'on a 5 000 demandes par an, on ne remplit pas du tout les besoins des étudiants. Et donc, cette situation-là est alarmante. Alors, on va demander à la représentante du CROUS qui est là, où sont les 500 logements promis ? Ben, ils sont en projet, toujours. Alors, comment ça se fait que 5 ans après, ce soit toujours un projet ? Ça aurait pu... avancer, progresser ? Là, je ne peux pas répondre directement à cette question. Après, c'est vrai qu'on a effectivement 5000 demandes de logement qu'il faut pondérer, puisque sur l'ensemble des demandes de logement que nous avons, il y a toujours des désistements qui se font du fait de l'absence de réussite au bac ou d'un changement de filière. Donc les 5000 vont se transformer plutôt en 2000. Et donc ça fait 2000 demandes au final pour 1000 places. Après, c'est vrai qu'en ce moment, les résidences sont toutes pleines. Donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Et puis les étudiants, ils ont aussi d'autres possibilités de se loger plutôt vers le privé, puisqu'on essaye aussi de développer cette offre-là. Alors il y a combien d'étudiants, ça représente quel pourcentage de nombre d'étudiants qui sont logés grâce au CROUS ? Alors on a 1000 chambres, donc c'est à peu près ça, sur les... et on a un peu plus de 10 000 étudiants boursiers. D'accord. Elneriet, il y a une marge de progression qui est énorme, là ? Bien sûr, et d'ailleurs, j'en profite pour passer un appel, puisqu'il n'y a pas que le CROUS qui peut faire avancer les choses à ce niveau-là, au niveau des 500 logements. C'est les collectivités territoriales, en particulier la région, les mairies des villes concernées aussi. En tout cas, il faut vraiment faire en sorte que ce ne soit pas en 2025 qu'elles sortent, ces cités universitaires. Déjà aujourd'hui, on est à 5,6% d'étudiants logés sur toute l'Académie de la Réunion. On est loin des 10% annoncés par le plan Anciot il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 10 ans à peu près. Et donc, bien entendu, je pense que c'est l'urgence au niveau du logement, parce que lorsqu'on voit la différence entre les prix du CROUS et les prix du privé, on voit que pour un étudiant, en tout cas, la seule finalement économie sur toute l'année qu'il puisse faire drastique, c'est celle du logement, quoi. 06 92 70 2000, on a un premier texto, et puis je vous rappelle aussi la possibilité de nous appeler par téléphone, plus simplement au 02 62 99 2000. C'est Jason qui nous dit: j'ai quitté Trois-Bassins pour l'université à Saint-Denis, et il nous parle du RU. Alors le RU, c'est le restaurant universitaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Aller au RU, ça reste abordable, mais il faudrait penser à améliorer la qualité des repas, et je ne suis pas le seul à me plaindre, nous dit Jason. Vous gérez aussi la restauration? Non, je ne m'en occupe pas directement, mais le CROUS, bien sûr, s'occupe du resto. Donc, le but, c'est quand même d'offrir le repas avec la meilleure qualité possible, au prix, comme le disait M. Herrier, à un prix pour les étudiants qui n'a pas bougé cette année, puisque le tarif est quand même toujours de 3,25 €. Donc, avec entrée, plat, dessert. Donc, à ce tarif-là, il n'y a quand même que le CROUS qui peut proposer ce type de repas. Donc, après, c'est vrai qu'on s'améliore sur la qualité. On entend bien ce que la personne peut dire. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce témoignage, Elnaud ? Non, mais il y a toujours des améliorations possibles. Et puis, il y a des commissions qui en parlent d'ailleurs, où on apporte nos idées aussi. Mais là où il faut quand même relativiser les choses, c'est que le CROUS de la Réunion, particulièrement sur les plats servis, est quand même une qualité déjà un peu supérieure par rapport à la métropole. Enfin, pour avoir mangé dans des restaurants universitaires de métropole, il faut quand même avouer qu'à la Réunion, on a quand même une certaine chance. Alors bien sûr, parfois, par exemple, sur les plats végétariens, tout ça, il y a aussi une offre peut-être à revoir sur certains points. Je sais que le CROUS a aussi fait des nouveautés cette année, particulièrement sur la gestion de la restauration rapide. Donc, à voir. Il y a eu que quelques jours de cours pour l'instant. Bien sûr, des améliorations restent à faire, mais sur ce point-là, je sens que le CROUS est à notre écoute quand même. Et avec des produits pays également au menu, puisqu'on parle de restauration. Des caries pays. Voilà, rougaille, saucisse, etc. Après, on a aussi une offre brasserie diversifiée, donc pour élargir le plus possible notre offre aux étudiants. Il est 16h, il est midi 26 sur Réunion Première, j'ai un peu d'avance. Nous sommes le mercredi 24 août 2016. C'est dans l'actu, consacré à la rentrée étudiante. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. ville. Et on va prendre la direction de Saint-Paul. On a Philippe au téléphone pour nous parler de logement. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis confronté et je voudrais parler des étudiants qui réussissent, mais avec des moyens limités, d'un notamment un petit jeune qui a un BTS, qui est accepté dans une super école électromécanique en métropole, qui est boursier. Et donc, moi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de communication entre CROUS, puisque là, il a payé une assurance et on lui annonce qu'il n'est pas sûr d'avoir un CROUS et qu'il faut qu'il passe en entretien en métropole. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine, dans 10 jours. Il n'a pas encore son billet. La continuité territoriale, je serais de savoir où est-ce qu'elle est pour aider ses étudiants, pour les aider. Et j'aimerais qu'on nous parle aussi, puis vous parliez de logement privé, la garantie et la caution pour des étudiants boursiers, et du locapass. Comment ils font et comment font-ils? Parce que le capass, vous dites? Le locapass, oui, moi j'ai entendu parler de ça. Alors c'est quoi? Puis, vous savez, la garantie de caution de l'État pour les élèves et des étudiants qui n'avaient pas de cautionnaire, et la possibilité d'avoir une caution dans le privé. Parce que je peux vous dire que de là, il est parti pour finalement ne pas pouvoir aller là-bas. C'est quand même dingue, quoi. Alors qu'il a eu son BTS brillamment, il a accepté dans une école sur dossier en métropole, et il se retrouve finalement sans logement parce que ses parents ne peuvent pas l'accompagner et se porter caution. Voilà. Pour une histoire de caution, effectivement. Et les CROUS, pourquoi il n'y a pas de communication? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un lien entre les CROUS pour nos étudiants, en tout cas, qui viennent de loin? On va avoir la réponse de Lucie Annette Nativelle. Merci pour votre question, Philippe. Alors, il y a bien sûr une communication entre les CROUS, puisque la dernière fois que je suis venue chez vous, on vous a dit qu'il y avait un tour national d'affectation. Donc, il y a quand même une première partie qui est commune à l'ensemble des CROUS. Donc, il y a un premier logement. Les logements sont attribués tout d'abord à la mi-juin pour l'ensemble des CROUS. Ensuite, soit les CROUS participent à un second tour d'affectation qui a lieu au mois de juillet. Et ensuite, il y a bien sûr la gestion de la liste d'attente. Cette gestion de la liste d'attente, elle est propre à chaque CROUS. La plupart du temps, il faut s'inscrire directement sur les sites internet de chaque CROUS, et les étudiants sont appelés en fonction des désistements. Donc ça, c'est pour le logement. Ensuite, pour le locapass, nous on parle aujourd'hui de clé caution locative étudiante, qui est réservée aux étudiants de moins de 28 ans qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et pour lesquels l'État va se porter garant. Ces étudiants peuvent faire leur demande sur messervices.gouv.fr. Voilà, ils trouveront la possibilité de faire leur demande de clé. Et donc, cette possibilité de garant s'offre aussi bien pour le privé que pour les logements CROUS. Par contre, il faut que l'étudiant ait des ressources, soit une bourse ou voilà. D'accord. Ce genre de situation, vous en rencontrez également, El Noerier, au niveau de l'UNEF? Oui, bien entendu, on rencontre tellement de situations, mais en l'occurrence, jamais sur non-transmission de dossiers entre les CROUS, puisque le CROUS est dirigé par un CNUS national, et donc les instances régionales sont là, justement, et ont un central pour faire passer ces messages-là. Donc, pas souvent sur ça. Après, je pense que c'est vrai que parfois, il y a un parcours du combattant quand même, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, lorsque rien que trouver un cautionnaire, quand ça devient difficile, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine précarité. C'est juste que moi, ce qui m'étonne dans ce cas-là, c'est que lorsque un étudiant est déjà boursier à La Réunion et qu'il va en métropole, bien souvent c'est à son avantage lorsqu'il fait un dossier de bourse en métropole, puisque justement il y a une précarité vraiment beaucoup plus importante à La Réunion. Donc là, le fait que je ne sais pas si c'est par manque de communication, si c'est le dossier qui ne passe pas ou si c'est une interprétation du dossier, mais en tout cas, normalement, c'est toujours à l'avantage de l'étudiant réunionnais lorsqu'il se déplace. On va retourner au 02 62 99 2000 à midi et demi. On prend l'appel de Jean-Yves du Tampon. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis le papa d'une fille qui fait ses études pour la première fois, les études supérieures. Donc, elle n'est pas éligible à la bourse nationale, mais à NetBourse, bourse départementale. Et elle a également droit à certaines aides du conseil régional. Et ce que je ne comprends pas, et si vous pouvez m'éclairer, c'est pourquoi on ne peut pas cumuler les aides de la région et du département, alors que moi, je paie bien mes impôts à la région et au département. Oui, ça c'est une certaine logique, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Yves? C'est-à-dire que les aides de la région ne seront pas cumulables avec les aides du département pour les étudiants. Donc il faut faire un choix? Voilà, il faut faire un choix. Bien sûr, on va faire le choix le plus avantageux, et c'est évident. Mais pourquoi n'est-il pas possible de cumuler ces deux aides? Ça représente un manque à gagner de combien? C'est quoi la différence entre ce que vous allez avoir et ce que vous auriez si c'était cumulé? Disons qu'elle est éligible à la bourse départementale, ce qui fait 1 850 € par an qu'on ne pourra pas toucher, qu'on ne pourra pas avoir. D'accord, donc ça, c'est ce que vous ne toucherez pas, les 1 850. Voilà. Et vous allez toucher combien, finalement, côté région? Alors, comme elle fait des études en métropole, elle a une aide d'une allocation premier équipement qui est de 2700 euros. Voilà, l'allocation premier équipement versée par la région. Alors, on n'a personne de la région et du département. Je ne vous cache pas que je les ai sollicités, mais certes, un petit peu tardivement sans doute. Et donc, on n'a personne, malheureusement. On aura l'occasion de refaire une émission avec eux. Mais on allait le signaler de toute façon que la région et le département proposent des bourses également, des aides sous différentes formules pour les étudiants. Il faut choisir voilà. Le département, bien, voilà. Voilà, elle ne arrive à vous répondre sur cette question, Jean-Yves. C'est un cas fréquent, ça, évidemment. Bien sûr, bien souvent, les étudiants doivent faire un choix. Et puis, ce n'est pas que entre le département et la région. Parfois, ils doivent faire un choix aussi entre le CROUS et la région, des choses comme ça. En tout cas, je comprends le problème. Et en tant que syndicaliste étudiant, je peux que vous dire que nous, on n'arrête pas de se battre contre. Nous, on aimerait même mieux. On aimerait que toutes les aides soient versées sous la forme d'une seule aide. On aimerait que le CROUS devienne l'acteur unique qui verserait une aide à tous les étudiants. On va vraiment plus loin, à tous les étudiants selon leurs besoins et non plus selon les ressources des parents, puisque parfois un étudiant peut avoir certains besoins alors qu'il a des parents aisés ou au contraire des parents avec des moyens beaucoup plus bas. Et donc qu'il n'y ait plus, parce que c'est aussi un manque de lisibilité. Il faut s'adresser au CROUS, au département, à la région, parfois même à d'autres organismes. Et donc nous, on aimerait vraiment que tout soit ça réuni et que tout le monde puisse y avoir accès, quoi. C'est ça, Jean-Yves, il y a un manque de clarté dans le parcours pour obtenir les aides. De clarté, je ne sais pas, mais en tout cas, un manque de cohérence, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faut chercher, il faut gratter à droite, à gauche, c'est pas donné. Si on fait pas de recherche, on passe à côté de certaines aides. Ça c'est sûr. Mais enfin, mais ça, je pense que c'est tout à fait normal de faire des recherches, je veux dire, ça va pas nous tomber du ciel. Mais de là à me dire que je dois choisir entre une aide, la région ou le département ou du national, je trouve que là c'est incohérent, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça n'empêchera pas votre fille de faire ses études? Non, parce que bon, on est prévoyant, on a fait des économies. Mais je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau de la cohérence, quand on nous demande de choisir des aides, alors que nous, on paie les impôts aussi bien au département qu'à la région. Alors, à ce moment-là, qu'on nous donne le choix de payer soit mes impôts à la région ou au département. C'est une logique que vous comprenez, Lucie Annette Nativer? Oui, tout à fait. Après, il y a des efforts qui sont faits, je ne peux parler qu'au niveau du CROUS, pour qu'il y ait une centralisation de l'ensemble des aides, puisqu'on parlait de messervices.gouv.fr, par exemple, où il y a centralisé la demande de bourse, le suivi, l'OCAVIS, JobAVIS, etc., l'ensemble des services qu'offre le CROUS. En termes de lisibilité, ensuite, on participe, le CROUS, mais aussi la région et le département, au Salon Régional de la Jeunesse, ou à d'autres manifestations, où on reçoit toujours un grand nombre de publics qui sont à chaque fois demandeurs d'informations, surtout lorsque on est dans la transition lycée-enseignement supérieur. Merci en tout cas d'avoir appelé Jean-Yves pour participer. On va continuer sur peut-être les frais d'inscription. Il y a eu du mieux à ce niveau-là, El Noéria, vous le disiez tout à l'heure, puisque ça a été fixe, gelé. Pas du pire, puisque ça n'augmente pas, ce qui est la première fois depuis beaucoup d'années, la première fois du mandat. Je parle bien des frais obligatoires, là, pas que des frais d'inscription, puisque les frais d'inscription, ils avaient déjà été gelés l'année dernière, ce qui était déjà assez intéressant. Mais là, on parle de tout ce qu'un étudiant doit payer lorsqu'il s'inscrit à l'université, donc frais d'inscription, frais de cotisation à la sécurité sociale, frais de médecine préventive, et donc, là, on considère que c'est un frais obligatoire parce que finalement, lorsqu'il va manger au restaurant universitaire, il doit le payer et c'est voté nationalement là aussi, le prix du ticket repas au restaurant universitaire. Et ça représente combien exactement les frais d'inscription ? Les frais d'inscription, ça dépend pour la licence et le master, mais en gros, lorsqu'on paye plein pot à l'université, c'est un peu plus de 405 euros. Alors, les bourses, qui a droit exactement? Est-ce que c'est facile d'expliquer en quelques mots les critères? Alors, il y a le premier critère, c'est les ressources des familles, puisque la bourse, c'est une aide complémentaire à celle versée par la famille. Donc, plus on a des bas revenus, plus on est susceptible de percevoir une bourse du CROUS. Il y a deux critères qui viennent pondérer cette condition de ressources, qui est la distance entre le lieu d'études et le domicile familial. Et dernier critère, ce sont les enfants à charge du foyer. D'accord. Donc, tous ces critères-là s'accumulent ? Il y a les deux premiers. Le principal, c'est quand même les ressources de la famille. Sur le site internet du CROUS de La Réunion ou même sur le site du CNUS, il y a la possibilité de faire une simulation. Donc, en général, on considère que c'est à partir de 30 000 euros que l'étudiant est susceptible d'avoir une bourse sans aucun autre critère. C'est-à-dire, il habite à Saint-Denis, il n'a pas de frères et sœurs. Cette bourse, voilà. elle est de quel montant précisément ? Alors elle varie, elle va jusqu'à 5551 euros versés sur 10 mois, c'est versé mensuellement. Hein. Donc ça va de l'échelon 0 bis, l'année dernière il y avait encore un échelon 0, là cette année il a été supprimé. Donc ça veut dire que l'ensemble l'échelon 0, ça veut dire c'était l'année dernière en fait, il y avait juste l'exonération des frais d'inscription et de sécurité sociale. Là cette année ça commence à partir de l'échelon 0 bis, ce qui veut dire que l'étudiant, il a en plus de l'exonération forcément un montant qui sera à minima à peu près de 100 euros, hein, me semble-t-il, par mois. D'accord, à payer en plus. Voilà, donc, c'est ce qu'on lui verse. Ouais, ce que vous lui versez, que voilà, vous payez. Ça. Effectivement. 5551 euros sur 10 mois, il n'y a rien. Avec ça, on peut fonctionner normalement. Bah, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, puisque c'est récent. Encore une fois, cet échelon 7, l'échelon maximum, il a été créé il y a 2 ans. Encore une fois, c'était un combat depuis plusieurs années. Mais en tout cas, donc, avant ça, c'était l'échelon 6. L'échelon maximum, c'était 470, 480 euros à peu près par mois. Donc, c'est quand même plus. Maintenant, encore une fois, on estime depuis longtemps qu'il faudrait plus. Le seuil de pauvreté en France, il est de 750, 800 euros à peu près par mois. Donc, on pense que ce serait un minimum pour une bourse étudiante. Mais en tout cas, c'est sûr que, surtout qu'à La Réunion, on a le plus d'échelons 7 et 6 de France. On a le plus grand nombre de boursiers à ces échelons-là, ce qui prouve encore une fois la précarité des étudiants réunionnais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, quand on vit au CROUS, par exemple, on peut vivre assez décemment avec cette bourse-là. Et ensuite, bien entendu, selon les situations, c'est quand même un montant qu'on trouve dans très peu de dispositifs. Sabrina de Saint-Louis nous demande, est-ce qu'il est encore temps de formuler une demande de bourse ? Question posée au 06 92 70 2000. Il est encore temps, même si c'est très tardif, puisque les demandes de bourse se font entre le 15 janvier et le 31 mai, pour bien sûr pouvoir anticiper sur l'ensemble des frais de rentrée. Là, avec une demande de bourse tardive, ça veut dire que le dossier sera traité tardivement, dans quelques mois, et ensuite le versement plus tard. Traité dans quelques mois seulement ? C'est-à-dire au mois d'octobre, voilà. Parce que là, on est quand même sur le paiement des bourses pour tous les étudiants qui ont fait leur dossier dans les délais, en plus de l'instruction des dossiers. Voilà. Et donc, pour répondre à cette auditrice, traité dans plusieurs mois et la réponse encore plus tard, ça peut intervenir quand ? C'est-à-dire que le paiement, il sera dans le mois qui va suivre l'instruction du dossier, mais il faut s'attendre quand même à ce qu'elle puisse... Il faut qu'elle patiente, sachant que il faut faire le dossier d'abord sur Internet et ensuite envoyer les papiers. Donc, ce n'est qu'après que nous traiterons le dossier. Et Noémie, on sait, on en parle régulièrement, qu'il y a des étudiants qui sont prêts à ne pas aller chez le médecin, qui préfèrent se priver de médicaments pour faire des économies. Est-ce que ça reste fréquent ou c'est marginal ? Oui, le premier poste de dépense qui est sacrifié lorsqu'on n'a plus les moyens, c'est la santé. Ça, c'est clair, ça a toujours été le cas depuis très longtemps et je dirais même que je pense que ça va de plus en plus fréquemment, quoi. Ça doit augmenter chaque année. Et voilà, c'est sûr qu'on ne va pas se priver de nourriture, c'est sûr qu'on va essayer de payer le loyer à la fin du mois. Et donc, c'est le transport aussi et donc c'est surtout les dépenses de santé qui en pâtissent. Quels sont les risques que prennent ces jeunes ? C'est tout simplement que c'est bien entendu, enfin j'espère pas sur des grosses maladies, mais c'est sur des petites maladies qui restent très longtemps, des grippes, des rhumes, qui finalement ne sont jamais totalement guéries et donc on a des années où on est tout le temps malade et on peut parler aussi bien entendu d'autres choses que des maladies, mais le stress qui quand on ne prend pas forcément le temps d'aller chez le médecin, quand on prend pas le temps d'aller chez une assistante sociale que ce soit au CROUS soit à l'université, et bien forcément le stress peut parfois être aussi un facteur d'échec à l'université, tout comme le fait d'être affaibli aussi physiquement par des petites maladies récurrentes. Quelle solution il peut y avoir, Lucie-Annette Nativelle, pour ces jeunes qui mettent leur vie en danger ? Alors, on va loin peut-être, mais ça plombe un peu leur scolarité. Alors, au niveau du CROUS, on a un service social, bien sûr, qui répond aux demandes des étudiants. Après, au niveau de l'université, il existe aussi un service commun de médecine préventive. Donc, les étudiants peuvent aussi se retourner vers ce type de dispositif. Alors, quels sont... Oui. À noter aussi, j'en profite, qu'il y ait beaucoup d'auditeurs, il y a des aides d'urgence aussi qui sont distribuées par le CROUS selon les situations des étudiants. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'ils n'ont vraiment plus les moyens même de manger ou de payer leur loyer en fin de mois et tout, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est vraiment qu'ils prennent rendez-vous avec l'assistante sociale ou l'assistante sociale du CROUS et qu'ils n'hésitent pas à demander cette aide parce qu'il y a quand même ces dispositifs-là. La Réunion, on a la chance, il me semble que depuis 2-3 ans, on augmente ces aides, l'augmentation de la subvention nationale qui est donnée. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ces demandes-là qui peuvent parfois vraiment sauver une situation. Alors, on parlait des logements, du manque de logements. Est-ce que dans le parc privé, les logements qui sont proposés aux étudiants sont conformes aux normes, sont de bonne qualité aussi ? Ça varie, bien sûr. Il peut y avoir parfois des bâtiments un peu insalubres. Là, c'est plus un cas personnel, mais je connais des personnes où les conditions sont peut-être pas totalement aux normes. Mais en général, quand même, si c'est correct, c'est surtout le prix. C'est surtout le prix qui fait que au CROUS on a une chambre entre 150 et 270 euros grand maximum. Oui. Pour 300-350 euros minimum dans le privé, je pense que c'est déjà rare de trouver des logements. Donc c'est surtout les conditions financières qui sont difficiles à réunir. Et est-ce qu'il y a des aides? Alors on peut aller vers le CROUS, mais si on choisit un logement extérieur au CROUS, et c'est l'obligation pour certains puisqu'il n'y a pas assez de logements au CROUS, est-ce qu'on peut bénéficier d'une aide au logement ? Il y a la CAF, bien entendu, la CAF qui peut aider les étudiants. Il me semble que l'aide à l'équipement, au premier équipement, peut aussi aider à ce niveau-là. Mais oui, sinon, il n'y a pas énormément de choses non plus. Et sur la clé, le dispositif clé sur la caution, qui peut aider aussi. Mais c'est à peu près tout. Et cette caution, ça reste un frein malgré tout ? La plupart du temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été revendiquée, qu'elle a été mise en place depuis maintenant 2 ans, je crois, le dispositif clé. C'est que il y a malheureusement pas mal de cas d'étudiants qui ne peuvent même pas avoir de cautionnaire, qui ne peuvent pas avoir de personnes qui peuvent se porter caution sur un appartement. Et donc, oui, c'est quand même assez important et ça peut aider pas mal d'étudiants. Est-ce qu'il y a une évolution qui est envisagée dans ce domaine-là ? Sur la caution ? Voilà. À La Réunion, le dispositif est mis en place depuis l'année dernière et on voit qu'il rencontre quand même un franc succès auprès des étudiants, aussi bien ceux qui restent à La Réunion que ceux qui sont en partance pour la métropole, qui ont besoin à tout prix de trouver un garant avant même de trouver le logement. Donc les étudiants, on voit quand même que c'est une offre très attractive auprès des étudiants. Oui. Sur le logement, juste peut-être sur un dernier point. Enfin, vous avez sûrement entendu parler de la loi Allure sur l'encadrement des loyers. Il faut savoir qu'à La Réunion, normalement, si mes informations sont bonnes, elle ne sera pas mise en place avant 2017. Enfin, s'il était vraiment possible d'accélérer cette mesure, parce qu'on voit que ça a un succès. Je crois que c'est qu'en région parisienne, ouais, dans c'est la région à Paris de seulement, France. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, à La Réunion, déjà, pour encadrer les loyers dans le privé, ce serait quand même une avancée là aussi. Et vous me disiez tout à l'heure, on discutait avant l'émission, on a l'impression qu'on aide davantage les étudiants qui partent que ceux qui restent. On les aide presque à partir. En tout cas, vu le nombre de dispositifs qui, malgré tout, sont mis, je veux dire que lorsqu'un étudiant qui a un projet professionnel en métropole en particulier ou à l'étranger et qu'il veut partir, c'est tant mieux et c'est bien qu'il ait les moyens de partir. Mais quand un étudiant, il aurait bien aimé rester à La Réunion et que c'est soit par faute de moyens financiers, soit par faute de filières par exemple ou de logements disponibles et qu'il est obligé de partir en métropole et que finalement c'est peut-être plus simple parce qu'il y a justement des dispositifs qui l'aident à partir de partir en métropole, là je pense que c'est dommage et donc il faut aussi penser à ceux qui veulent rester et ceux qui veulent rester dans de bonnes conditions en particulier. Et ça c'est un problème que vous reconnaissez aussi du côté du CROUS, Lucien? Alors au CROUS le problème est quand même différent puisque les bourses sont fixées au niveau national, donc c'est le même montant pour un étudiant qui reste à La Réunion ou qui part en métropole. Donc oui, ça laisse le choix finalement aux jeunes. C'est ça, à ce niveau-là, oui, ça laisse le choix aux étudiants. Après, effectivement, pour les étudiants en partance, ils peuvent bénéficier du passeport mobilité ou d'autres aides. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler de la rentrée étudiante sur Réunion Première. Elne Herrier, président de l'UNEF Réunion. Merci à vous. Et Lucie Annette Nativelle, responsable du service vie étudiante au CROUS. C'est dans l'actu demain. Le chien est-il vraiment le meilleur ami de l'homme? Question posée à la veille de la journée mondiale du chien. Ce vendredi, on parlera des animaux maltraités, malheureusement, de l'éducation canine ou encore de l'identification par tatouage ou puce électronique. Midi 47 sur la première. Je vous laisse en compagnie d'Ingrid jusqu'à 15h. Jusqu'à 14h, Philippe. Merci. Et puis, on vous retrouve, vous, ce soir, après le journal de 18h, c'est ça? Pour le nouveau MAC de la rédaction, dans les coulisses de la campagne sucrière. Cette semaine, je vous emmènerai dans un champ de canne, dans un cachalot et à l'usine sucrière de Bois-Rouge. C'est très sympa, je vous promets. Donc, rendez-vous ce soir après le journal de 18h pour Dans les coulisses de la campagne sucrière avec Philippe Dornier. Le retour de l'information à l'étranger et en France, ce sera tout à l'heure à 13h. D'ici là, voici 10 pandas sur la première à 2. Dans tes yeux, j'ai vu le désespoir. Viens, donne-moi ta main, moi ton ami, je serai là. Où va mon ventre plein? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, viens dans mon espace. Adin nous sera plus fort, plus fort, oui, plus fort. Mon boussole sera ton boussole, mon épaule sera ton épaule. Sac boussé n'a gagné, n'a pas ta zandé. T'en as pour gagner, nous tout va gagner. Onté, onté, onté. L'humain est fait pour commettre des torts. Onté, onté, onté. Chaque nuit ou à midi à sa porte. Onté, onté. Choisis qui ça ou fait mon tabord. Fille qui échange comme mes accords. Fille qui échange comme mes accords. Tu avais faim et moi je t'ai nourri. On appelle ça la famille. Tu avais soif et dans mon verre tu as bu. J'y ai cru. En ta sincérité, mensonge était lié. Dès que t'as eu une balle sur ton frère tu as tiré. Très mauvaise idée. Friend, amigo, poto d'allon. À la vie, à la mort, m'oublie pas le trahison. Coup de patte, la vie, camaraderie, fan tout de suite. D'un coq, mon bon pays, prend la fuite vite. Peace, chaque dépanne a son ligne d'arrivée. Fly solo, la vie, personne pour follow me. Oui, fallait, c'est les négros fragiles. Si t'as le cœur sur la même, et dans ta poche tout de suite. Feel. Mais Adé nous sera plus fort, plus fort, oui, plus fort. Mon boussole sera ton boussole, mon épaule sera ton épaule. Sac boussé n'a gagné, n'a pas ta zandé. Donc n'a pour gagner, nous t'es va gagner. Onté, onté, onté. L'humain est fait pour commettre des torts. Choisis qui ça ou fait mon d'abord. Fille qui échange comme mes accords. Fille qui échange comme mes accords. Fille qui, fille qui, fille qui échange comme mes accords. Dans tes yeux, j'ai vu le désespoir. Viens, donne-moi ta main. Moi ton ami, je serai là. Où va mon ventre plein? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, viens dans mon espace. Adin nous sera plus fort, oui plus fort. Mon boussole sera ton boussole, mon épaule sera ton épaule. Sac boussé n'a gagné, n'a pas ta zandé. T'en as pour gagner, nous tous va gagner.